vous êtes assez fous pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Anne-Julie Durocher, Vernier à son index pour mieux pointer son choix de la semaine. On part de l'enjeu guitare avec Jasmine Raymond-Drainville. Et Maxime Biodo pédalera assez fort pour activer sa chronique d'une foulée à l'autre. Assemblage requis commence maintenant. USA! Obama a été réélu! Oui! 4 ans de plus! 4 ans de plus! Oui, de plus, de plus. Bravo! Ou bravo. Obama! Bravo Obama! Bravo Obama! Oh oui! Bienvenue à l'Assemblage requis en ce mercredi 7 novembre 2012. Il est 7h, presque 4 minutes. Et moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. On est au studio de Ces Fois à Trois-Rivières en direct. En direct? Moi, majoritairement. En direct ce matin. Ouais, et il fait froid. Hein? Oui, il fait froid. Grosse nouvelle, il fait froid. Il fait froid. Écoute, faut s'habiller chaudement. Faut mettre des petites mitaines, un foulard. Ce matin, j'ai dit un fiden. Des fidènes? Non, un filen. OK. Je voulais dire un foulard et des mitaines. Oh, j'aime ça. C'est comme le package deal. Filen. Écoute, c'est, les deux sont faits de fil. Je vois pas le... J'ai pas de problème là-dedans. C'est comme des chandelles sans flamme. Tu sais, là? Ouais. C'est comme... c'est important. À la TV, tout le monde veut ça, là. Ça s'achète ça, des chandelles sans flammes, là. C'est vrai? C'est pas ça? T'as pas encore acheté ça? Non. Non? Non. Toi qui vantais les Tupperware et les autres affaires que tu fais en soirée. Hey, parle pas de mes Tupperware. Avoue-le, là. T'es fan de Tupperware. Non. Non? Non. Non, j'avouerai rien ici ce matin. OK. Bon, ça a l'air bien secret, tout ça. OK. Aujourd'hui, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? On va avoir Anne-Julie Durocher à 7h45 pour sa chronique L'Index. Elle va nous présenter, comme toujours, quelque chose qu'elle a découverte pendant la semaine, que ce soit positif ou négatif. Cette semaine, c'est une série télé. OK. On va faire la révolution, je pense. Oui, exactement. La révolution. T'es au courant des faits et gestes, toi? Comment ça, je sais ça, donc? Je sais pas, hein? C'est comme si on la connaissait et qu'on la voyait autre que seulement le mercredi matin. Ouais. Ensuite, à 8h, Jasmine Raymond-Drainville aura les plus récentes actualités et les activités de la jeu. 8h, exactement. Ouais. Après ça, écoute, on va avoir une petite entrevue avec un monsieur Laforest, si je me trompe pas. Et on va parler de tolérance zéro. Oh. Ça s'adresse aux étudiants ici, je pense, qui sont membres à la Chasse Galerie, au 10-12 aussi. On va éclaircir ça. Ça. Mm-hmm. Ça, c'est vers les 8h15 à peu près. Là. Merveilleux. Plus ou moins. T'sais. Plus ou moins. Ouais, c'est ça, exactement. Zéro, ça peut être 0.5 en haut de la limite, en bas de la limite. Pas pire. Moi, j'ai pas fait de jeu de mots avec M. Laforêt. Comme des gars qui prennent le réel. Il va prendre le 5 secondes. Et à 8h30, Maxime Bilodeau, lui, va faire sa chronique d'une foulée à l'autre. Et parlons donc de son sujet de cette semaine. Il va nous faire un compte-rendu d'une lecture qui vient de terminer et qui vaut la peine d'être discutée. C'est The Secret Race par Tyler Hamilton et Daniel Coyle. Ça constitue le récit de vie d'un des anciens coéquipiers de Lance Armstrong lors de ses 7 conquêtes du Tour de France. On va prendre une tonne de détails qui non seulement vont nous faire réfléchir sur le cas Armstrong, mais aussi sur le dopage dans le sport professionnel en general. Génial! Puis on a deux paires de billets, je pense. Ouais, c'est ça. Ça arrête plus. Ah non, écoute, on est big ou on l'est pas, hein? Deux paires de billets pour un gala de lutte. Non. Ça va avoir lieu. Ben oui, Mathieu. Ça va avoir lieu samedi prochain. Ça va se dérouler au Stevie Box sur la rue Baillargeon à Trois-Rivières. Et puis c'est ça. Bon ben génial ça. On fait tirer ça tantôt. Hey, de la lutte. De lutte! Samedi! On parle pas assez de lutte, hein? Faudrait qu'on parle plus de lutte. Pourtant, c'est un de tes sujets préférés, ça, puis le Tupperware. On pourrait faire une chronique Tupperware aussi. Tupperware. Hey, présenter les nouveautés, ça pourrait être drôle. Ouais. Mais j'ai pas les nouveautés. Non. Et puis, ils n'ont pas acheté de pub, c'est fou encore. Fait que, t'sais. Ouais, c'est ça. C'est écoute, ça. Ouais, c'est un peu embêtant. On met ça dans le frigidaire, sur le back burner. On débute l'émission avec pas un back burner, plutôt un bamboula. Oh! Assemblage requis. C'est 3 accords.

Je pense qu'on est en amour. Karim Ouellet, ton lamdon. Hey, il est-tu bon, lui? Mais il est bon. C'est ce qu'il fait, c'est comme Midas, ça devient de l'or. Midas? Midas, non? C'est pas comme ça que ça s'appelle? Midas, ouais, c'est ça, exactement. Ça change en or? Ouais, c'est le gars qui change tout en or dans les légendes, là. Midas. Midas, je sais pas. Tu connais pas tes classiques. Non, non, vraiment pas. De la religion, je sais pas de quelle place ça vient. Donc maintenant, tiens, on va parler de, de choses qu'on aime. Nous aussi, on aimerait ça que tout se change en or, fait qu'on touche à tout. Hein? Voici, tu manges mon cœur. Mange mon cœur, c'est la collègue des coups de cœur d'Assemblage Requis. Finalement, c'est de nous deux, François-Olivier Marchand et Mathieu Blanc. Oui. Et étant donné qu'on la fait pas souvent, ben des fois, on accumule du stock et on veut tout partager avec vous. Donc, on va se faire une pas mal longue chronique aujourd'hui, je pense majoritairement musicale. Et François-Olivier, étant donné que t'es plus important que moi, tu vas... Non, arrête donc, Matt. Retire tes paroles tout de suite. Ben, OK, t'es moins pas important que moi. Attends, c'est sûr, là. Ouais, deux négatifs, ça, c'est comme ça s'annule. Donc, bref, rien pour moi. Écoute, je vais commencer. OK. Je vais commencer avec un spectacle qui avait eu lieu ici à la Chasse-Galerie la semaine dernière, jeudi passé. Okay. East Road, formation qu'on connaît bien ici, assez fou. Que d'ailleurs, tu as eu, la chance d'avoir une prestation live dans les Palmarès juste avant. Oui. Leur soundcheck, ouais, ça sonnait très bien. D'ailleurs, je l'ai écouté à la radio. Puis, formation, en fait, mauricienne, qui vient de Mauricie. Coin de Chaoui, Grand-Mère, Saint-Élie, bref, dans ce coin-là. Et puis, qui ont donné une belle prestation. Écoute, ça a bien embarqué. C'était une des premières aussi pour le GMU, ce qui englobe C'est fou, le journal Zone Campus. GMU, c'est le groupe des médias étudiants de l'UQTR. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, bref, c'était un des premiers spectacles qu'on organisait. En tant que groupe. C'est ça, exactement. Et puis, écoute, ça a bien fonctionné. Il y avait environ, je dirais, une 75 personnes. Dans la Chasse-Galerie, ça a l'air assez rempli, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, les gens semblaient intéressés. Écoute, une belle formation. Ils ont fait pratiquement tout leur album. Là. OK. Ça sonnait super bien, en fait. Tu connais East Road, tu sais un peu quel c'est genre. C'est folk. Folk, indie. Sympathique, ouais. Exactement. Ah, les gars sont super sympathiques. Ouais, pour vrai. Et puis, sincèrement, écoute, je pense que ça va décoller. Là. Restez à l'affût de ça. Si vous aimez le folk, l'indie, très bon groupe de la région, allez voir ça. D'ailleurs, ils vont donner des spectacles prochainement ici dans le coin. Je pense, si je me trompe pas, j'ai pas la date devant moi, mais janvier ou février dans le coin du Centre culturel Pauline Julien au Cap de la Madeleine sur la rue Fusée. Va être en spectacle et les billets, je pense que c'est vraiment pas cher, là. 10-15$ là, ou dans ce coin-là. Là. Bref, ouais. Si vous avez manqué le show ici à la Chasse-Galerie de East Road, vous pouvez toujours aller le voir. Centre culturel Pauline Julien. Allez voir ça sur Internet, là, vous allez trouver les informations sans problème. Donc, ça, en fait, c'était mon premier coup de cœur. Je sais pas, est-ce que tu veux me relancer avec ton coup de cœur? Je sais pas, moi, bonne question. Parce ou qu'on sinon, va aller entendre, c'est comme ces trois pièces qu'on va entendre en tout. Je me demande comment on devrait organiser ça. Je sais pas. Est-ce qu'on y va avec tout de suite East Road? Okay. On l'écoute, après ça on revient, on fait les deux autres, puis après ça on se les lance après l'autre. Génial. Ouais. Donc East Road, on écoute leur extrait A Long Way To Go. C'est lui qui les a fait découvrir sur nos palmarès ici même assez fou et c'est excellent. Et voici East Road à Assemblage Requis. Song to my ears, just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind rest. Give my mind rest. Yellow flames dancing through the evening, casting shadows on the wall. See the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go to reach the goals of my life. Keeping my dreams for tomorrow. Slowly dying, slowly dying. Behind these dark gray clouds, the sun always shines. 30s, long black night, morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire, give my mind a rest. Still a long way to go. The goals of my life, keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying, still a long way to go. To reach the goals. For tomorrow, it is slowly dying. Formation East Road, qui ont été en spectacle le jeudi dernier ici à la Chasse Galerie. C'était mon coup de cœur. Oh, oh. C'est beau à voir, hein, de l'émotion comme ça. C'était bon. Oui. C'était bon. Un petit peu déçu que Mathieu Plante ne soit pas venu. Je m'excuse. Mais j'en parle pour autres engagements. Ben non, c'est bien correct. C'est bien correct. Je sais, puis tu sais, ça s'en met. Écoute, on passe la journée ici, on arrive de bonne heure, tu le sais. Ouais. Je sais pas. Ouais. Ça m'a donné. Mais bon, que ouais, c'est ça, exactement. Ça prendra. Donc, François, t'as un deuxième coup de cœur à te présenter. Deuxième coup de cœur, oui. J'en ai parlé, les gens qui ont écouté hier ou avant-hier, je pense avant-hier, l'ont su avant tout le monde, avant peut-être moi-même. Non. J'aime bien la formation Of Monsters and Men. Of quoi donc? Monsters and Men. Menemene. Et un très bon album. Dans le temps de Noël, écoute, t'as un ami, tu peux donner ça à ta mère, elle va aimer ça, à ton cousin. Non, mais c'est calme. Ouais. Tu sais, dans le sens où... Est-ce que c'est un peu comme Mumford and Sons, style, tu peux donner à n'importe qui, ça va plaire à tout le monde? Tu sais, il y a des affaires comme j'pense ça. Je pense que oui. Ouais. Je pense que okay. Oui. Ouais, je pense que... Mais pas dans le mauvais sens, parce que plaire à tout le monde, ça pourrait être fade et au sens d'aucun goût. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non? Non. Mets ton pied à terre. La main sur la table. Non, mais en fait, écoute, c'est... exactement, la comparaison est quand même bonne, parce que Mumford & Sons, c'est accessible, ouais. C'est accrocheur. Ouais. Pas mal ça qu'il faut pour plaire au grand public. C'est ça, exactement. Et puis, Of Monsters and Men contient ces deux ingrédients-là. Mais ça bouge plus, par contre. Un peu? Non, on a l'impression que ça bouge plus parce que la pièce qu'on a entendue le plus souvent, ouais. Little Talks, bouge plus. Mais sinon, le reste de l'album, très, très calme. Vraiment très calme. Écoute, même qu'à un moment donné, je me suis demandé, écoute, j'écoute ça dans mon auto tellement c'est mollo par bout de Dieu. Ouais. Mais, écoute, la pièce qu'on va l'entendre d'ailleurs, Love, Love, Love, est calme. Et c'est vraiment... Puis écoute, c'est un groupe, écoute, qui est comme apparu de nulle part. Je sais pas, il y avait aucun radar qui pointait vers eux autres. Ça a donné comme ça. En fait, là, Danny a monté une publicité avec ça. Danny Janvier du Dîner de con. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le producteur de C'est fou. Il a fait une pub pour la barrique, me semble. Ouais, si je me trompe pas. Puis l'album, My Head is an Animal, formidable. Sincèrement, écoute, procurez-vous ça dans le temps de Noël. Ça fit. Non, mais exemple, t'es avec ta blonde, t'as le goût d'emballer tes cadeaux. Réaliste, je sais pas quoi. Écoute, mets ça. Mets ça, tu vas être agréablement surpris. OK. Puis la toune. La chanson. La chanson qu'on connaît, ouais, c'est ça, Little Talk. Quand on va jouer, écoute, tu vas bouger, tu sais. Ça va te faire bouger quand même. Mais sinon, le reste, écoute, peut-être par bout, mais sinon, écoute, ça. Tu vas rester relativement calme et tu vas pouvoir dormir par après. Okay. Même 10-15 minutes par après. Sauf si t'as peur des monstres sous ton lit. Ouais, mais c'est pas épeurant. C'est pas comme la formation Dead Man's Bones, là, où t'entends des voix et puis... c'est un peu plus lugubre, mais ça, c'est vraiment, là, sincèrement, écoute, Matt, j'aimerais savoir ton avis après. OK, bon, on va... Sur la pièce. Tantôt, on va écouter la pièce Love, Love, Love. Love, Love, Love. Love, Love, Love. Mais avant ça, je te relance tout de suite pour qu'on écoute les deux pièces ensemble. Vampire Weekend, une nouvelle chanson. Tu connais Vampire Weekend? Un petit peu. C'est tellement bon. Ils ont une pièce qui s'appelle Unbelievers, qu'ils ont fait pour la première fois à l'émission de Jimmy Kimmel Live. C'était l'Halloween, donc ils étaient déguisés en squelette. Et ce que je vais vous faire jouer, c'est la version de Jimmy Kimmel. Donc, vous allez pouvoir aller suivre le lien sur assemblagerequis.com. Le groupe travaille sur un troisième album. On ne sait pas encore quand il va sortir, mais cette chanson-là devrait être dessus, évidemment. Évidemment. Donc, on écoutera Vampire Weekend à la fin du bloc. Pour l'instant, voici Of Monsters and Men. Ouais. Et la pièce Love, Love, Love à Assemblage Requis. Requis, requis, requis. Ça a déjà la queue. Check, ça brasse pas, là. Pas tant, non, pas tant. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est Tu manges mon cœur. Maybe I am a crook for stealing your heart away. Yeah, maybe I am a crook for not caring for it. Yeah, maybe I'm a bad, bad, bad, bad person. Well, baby, I know. And these fingertips will never run through your skin and those bright blue eyes can only meet mine across a room filled with people that are less important than you. Oh, cause you love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Best we both forget before we dwell on it. The way you held me so tight all through the night till it was near morning. Cause you when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Ah, cause you love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I but should I be? Is this the fate that after the world's planned for me? I know I love you, and you love the sea. But what all the water contains, a little drop for me. Pièce de Vampire Weekend, Unbelievers à Assemblage Rocky. C'était live, ça en direct à l'émission Jimmy Kimmel Live. Ça sonnait bien? Oui, très très bien, mais c'est une émission quand même de qualité, pas mal. Oh non, c'est ça, j'imagine. Écoute, ils n'ont pas fait ça, c'est une gosse. Non, et j'adore cette nouvelle pièce et j'adore Vampire Weekend. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup écouter et je vous le conseille énormément si c'est pas déjà sur votre liste de choses à écouter. Hein, tu sais, la liste est longue, mais des fois, il faut l'avancer un petit peu. Des fois, c'est ce que pas je fais. Pas le choix. Pas le choix. Avant, c'est noté de mon bord pour ce que tu m'as fait découvrir. Donc voilà, pour la chronique Tu manges mon cœur de cette semaine, prenez des notes, allez voir sur assemblagerocky.com et faites vos devoirs. Bon. Oui, pas compliqué, ben ça. Oui, certainement. On prend une pause, on revient avec plein d'autres choses. Et la des billets de lutte à faire tirer. Oh, billets de lutte. Tu vois, lutte et Anne-Julie Durocher, moi, je confonds les deux. Là. Sans juste avant sa chronique. C'est ça, ça va être un match... sans sas. Sans sas, restez là. OK. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Blonde, François, Olivier, Marchand. Sourire macabre, amène le temps des tours. Nouvelle version d'une pièce d'Atomic Baobab qu'on adore, qui s'appelle Bombe Cérébrale. On se rappelle que c'était la pièce qui était sortie sur leur maxi. C'était leur extrait qui a joué dans le palmarès francophone de C'est Fou. On l'adorait. Ils l'ont réenregistré pour cet album-là, le Viewmaster. Oui, c'est bien réussi. C'est très, très bon. On connaît leur pièce, le Viewmaster, qui est sur le palmarès francophone en ce moment, mais il fallait bien qu'on varie une fois de temps en temps. François, je pense qu'on prend une dernière petite pause musicale. Avant de continuer avec la chronique d'Adjulie et du Rocher et notre merveilleux concours. Oui, on va faire tirer des billets de lutte ce matin. Ouais, j'en viens pas. À 100 mètres. Mode course en deux! Oh! Mode petite chaise d'en face! Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je sais rien du tout. Je le mérite peut-être. Hein? On sait pas. On sait pas. Donc la lutte. On y va avec Diane Perrault. Yeah, formidable. Et la chanson Acrobat de l'éternité. On vient tout de suite. Ben, en fait, on part pas, nous. Fait que faites donc la même chose. Je vais pas vous dire quoi faire, là, mais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Île de musique, naufragée chez toi. Je suis en état d'un péché démentiel depuis toi. J'ai la bête immortelle, t'es mon plus bel accident. Mon intempérie sexuelle, t'as mis le nez dans mon jeu, la main sur mon butin. De l'éternité, de l'éternité. Tes jambes autour des miennes, en rivière et en fleuve, toujours devenir des étoiles filantes de jour dans des cieux parallèles à la ligne de départ, à l'arrivée, le désir me mord de plaisir. Comme un cheval sauvage, que je suis né, j'ai toujours su que j'allais te rencontrer, toi mon garde du fou que je suis. Mon passage à niveau, ma campagne de bistrot. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. Des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. De l'éternité. De l'éternité. De l'éternité. Acrobates de l'éternité par Yann Perrault sur leur album, sur son album en fait, À genoux dans le désir. C'est bon, Yann Perrault, on aime ça. Ben, mais on aime ça. Beaucoup, beaucoup ça. Sais-tu ce que t'aimes, toi, plus que Yann Perrault, sûrement? La lutte! Oui, ben, Yann Perrault et la lutte. Un peu comme Anne-Julie Durocher, tous sur le même palier. Ça fait pas ensemble, en plus, hein, non, la lutte et Yann Perrault. Là, en fait, c'est comme deux mondes, non, totalement. Ça, en effet, ça va pas du tout ensemble. Mais écoute, on est tellement éclectiques, nous, et schizophrène un peu. Schizophrène. Ça peut arriver. Tu sais qu'on a fait une pub là-dessus dans le temps, quand on était schizophrène, c'était pas très flatteur. Ah, écoute. Qu'est-ce que tu veux, hein? J'ai des billets pour un gala de lutte. Oui! Ouais, ça va crier comme ça dans la salle. Mais oui. C'est clair, j'ai une voix tellement masculine que c'est clair que ça crie comme ça. Julie, arrête d'être abaissée. C'est formidable. En fait, gala de lutte, samedi le 10 novembre à 19h30. Et ça va se dérouler au Stevie Box sur la rue Baillargeon. Donc, appelez-nous. Écoute, on a deux paires de billets à faire tirer maintenant au 819-376-5183. 819-376. 5183. Jack est décrit. Moi, c'est ça, je viens de voir, il décrit comme dans ma face. Alors, on va aller écouter une pièce de lutte pour. CM Punk! CM Punk, c'est la chanson d'introduction d'un lutteur quelconque dont je me fous. Voici. 819-376-5183. 819-376-5183. Deux billets. Deux billets. Deux paires de billets. Deux paires de billets. C'est quelle autre lutte? The cult of personality. Ah, c'était écœurant. Colin Living est la pièce culte de la personnalité. Oui, oui. Et puis, c'est la chanson thème de CM Punk. CM Punk, en fait, qui est un lutteur dans la WWE. Ah, et oui. Puis, qui performe bien. Là. Puis, on s'attend peut-être, en fait, là, ça se déroule tout le temps début avril, là, où WrestleMania, que CM Punk affronte Undertaker. Mais écoute, c'est une petite parenthèse, là. Tu dis « on s'attend », tu sais, c'est-tu comme des analystes, des experts, ou c'est toi là, qui t'attends ça? Non, non, mais moi et des analystes et des experts, et puis... Genre tes amis, là. Non, écoute, ça a passé... Il m'a envoyé un courriel pour m'annoncer que peut-être, en fait, ça pourrait se tramer dans l'air. Il t'a envoyé un courriel pour te le dire. Mais non, pas lui, mais comme parce que la lutte s'est fédérée. Donc, la fédération m'a envoyé un petit courriel. C'est plate. De suite. Ouais. Ça. Mais c'est vraiment un vrai fan. Là. Il connaît les affaires, peut-être. J'ai un chandail. Il a l'air de connaître ça. J'y connais rien. Fait que, tu sais, moi, je fais semblant que. J'ai un chandail d'Undertaker. Hein, pas là, là? Non, pas là. Non. Je ne mets pas pour travailler. Je sais pas, moi. Je pourrais perdre mon travail. C'était si fan de lutte que ça, de mettre des chandails de lutte. Ouais, je pourrais le mettre. Mais j'avoue qu'à Halloween, j'y ai pas pensé, par exemple. J'aurais pu. Assume. Ouais, assume. Hey, CM Punk, là, ça veut dire centimètre punk, ça? Ça, l'histoire du pot, par exemple. Centimètre, ça pourrait être la largeur d'un doigt. Mm-hmm. Fait que sortons notre index. C'est un lien. Ça. Oh! Jusqu'à pointe du doigt. Un index qui réveille. Une toute petite voix. Et tout petite comme ça, sa voix. Et tout petite d'abord. Ouais. Allô? Ouais. Angélie Rocher, sa voix très matinale comme toujours. Ouais. Ouais. Ça paraît vraiment bas quand je viens faire de la radio que ça fait comme 20 minutes je suis debout. Non, ça paraît pas. Ça paraît pas. Mais c'est ma voix naturelle de maganer. Ouais. Ah. T'as veillé hier. Tu pourrais être. Ta voix est prédéterminée à être une lutteuse. Je te dis ça comme ça, là. Ouais. Votre mais oui, pour répondre à ta question, Mathieu, je me suis couché tard hier. Ouais. Personne qui m'écoute. Ben oui, j'ai écouté les présidentielles. Oui, ben moi aussi, ça a fini à 11h18, tu me disais. 11h18, moi, j'ai vu que M. Obama... Perdait. Non, gagnait. Alors, c'est pas, tu sais, si quelqu'un vient de se lever, là, il pense peut-être qu'Obama a perdu. Mais... Non, Obama a gagné. On est tellement une source d'information pour la population au complet, là. Ben oui. Mm-hmm. Ben oui. Donc, bravo à Barack Obama. Brahma. Oui. C'est formidable. Écoute, je pense que... Bonne décision. Bonne décision des Américains. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis quand même d'accord. j'ai pas le droit de vote là, donc mon chialage est plus ou moins important, mais bon. Pour ce que ça vaut. Pour ce que ça vaut. C'est ça pareil. C'est ça. Bon. Mais c'est pas de ça que je vous parle ce matin. Non? Non. Non? Je pensais que Brahma ou Barack Obama, en fait, a fait la révolution. Oh! Ça, c'est un autre lien qui nous amène à parler de ton sujet d'aujourd'hui. C'est une série télé. Oui, je vous parle d'une nouvelle série télévisée, Révolution. Donc, Révolution, moi, sincèrement, ça me dit rien. Mais c'est tout nouveau, là. Okay. Ça a commencé cet automne. C'est ça, ça a commencé, en fait, là, le 17 septembre. Puis... Ça, sur NBC. Oui, NBC et CTTV au Canada. CTTV. Ouais. Très important, ouais. CTTV. Oui. Donc, c'est ça, ça a commencé le 17 septembre. On est rendu à l'épisode 7. La première saison va avoir 22 épisodes. Donc ça, c'est aux États-Unis, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'au Québec, ça fonctionne pas vraiment pareil, mais quand une saison est commandée au complet, c'est une très, très bonne chose pour une série. Mais hier, j'ai regardé des codes d'écoute et ça va en diminuant. Okay. Fait que j'ai comme peur pour la survie de la télésérie. Mais souvent, souvent les réseaux de télé ont tendance à tirer la gâchette rapidement. Si ça fonctionne pas après quelques semaines, ils retirent. Ou si ça fonctionne bien les deux, trois premiers épisodes, ils vont tout de suite commander soit la demi-saison ou la saison au complet. Donc, ils devaient avoir confiance. Et là, peut-être que leur espoir est en train de chuter un peu. Mais moi, je trouve que c'est quand même toujours aussi bon. Je comprends pas qu'il y ait une... perte d'audience. Est-ce que c'est parce que c'est une série qu'il faut vraiment suivre à chaque semaine? Si t'en manques un, t'es foutu. Un peu dans le même style que Walking Dead. Lost. Aussi. Mais ça parle de quoi exactement? Moi, parce que là, tu, on parle de la cote d'écoute, mais vous savez pas de quoi je parle. Commençons par le début, là. Ben oui. En fait, pour moi, ça me dit rien du tout, Révolution. Mais en fait, là, c'est une série qui met... qui met en vedette. Ouais, c'est ça, je cherche mes mots un peu à ma Le fin, père là. De Bella dans Twilight. Entre autres. Premièrement. Ouais, le c'est père ça. De Bella dans Twilight. Hier, j'étais allée chercher comme les acteurs, parce que la majorité des acteurs me disent absolument rien. Puis j'étais allée chercher comme ils ont joué dans quoi, puis j'ai vu ça. C'est ça moustachu dans Twilight. Oui. Le père moustachu, j'ai pas vu ce film-là. Mais j'étais tellement une fan de Twilight que, genre, j'avais pas du tout remarqué que. Non, c'était pas du tout. OK, OK. Mais j'avoue que le reste des acteurs sont des inconnus et j'apprécie ça dans une série. Fun, ça. Mais pas tant des inconnus. Moi, je connais au moins trois. Ouais, mais t'es connais parce que t'as déjà vu faire un rôle de soutien dans une série, il y a 5 ans. C'est pas nécessairement des gros noms. Il y en a une qui joue dans Lost. Ouais. Qui joue un gros rôle dans Lost, quand même. C'est pas des superstars, mais non. Mais là, je vous ai toujours pas parlé de la série avec tout ça. Je sais pas c'est quoi. Donc, c'est... On va dire à la fin de la conne. Ouais, c'est ça. C'est ça le punch de la série, c'est qu'il y a pas vraiment de scénario. c'est pas vraiment une série. Non, c'est vraiment une série, puis c'est une bonne série. Donc, c'est des personnages, en fait, qui luttent pour survivre suite à une catastrophe. Là, toute forme d'énergie a mystérieusement disparu. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité. Ça, tu sais, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de train, il n'y a plus de... Il y a des voitures, mais il n'y a plus d'essence ou... Non, mais c'est l'énergie, en fait, qui disparaît. OK. Fait que les voitures, comme dans le premier épisode, en fait, t'es comme dans le jour présent, puis le reste de la série se déroule 15 ans plus tard. Est-ce qu'il y a des flashbacks vers le présent de nous en ce moment? Oui, c'est ça. Okay. Oui, il y en a, mais c'est bien fait, là. C'est pas... tu perds pas le fil avec les flashbacks. Mais c'est ça. Donc, dans le premier épisode, on est toujours présent. Et là, tout s'arrête de fonctionner. L'ordinateur, tout ce qui fonctionne à l'électricité ou demande une certaine source d'énergie. Par exemple, les voitures. Oui. Puis là, ils doivent, en fait, s'habituer à vivre dans ce nouveau monde. Ils doivent chasser, j'imagine. Mais c'est ça. Mais c'est aussi que... C'est la nature de l'être humain, en fait, là, d'avoir un certain ordre, une certaine démocratie, si on veut, ou c'est pour pas qu'on vire en chaos. Fait que là, il y a aussi la milice qui s'insère là-dedans, puis là, t'as toutes les relations aussi. Puis, au début de la série, en fait, là, c'est ça, on comprend qu'il y a un personnage qui a l'air de savoir peut-être un peu pourquoi il y aurait plus d'énergie. Ah. Puis, ce personnage-là a des enfants, et là... c'est ça, en fait, là, il est tué, là. Je dis pas un punch en disant ça, là, parce que c'est dans les premiers épisodes. Ouais, c'est ça. C'est dès le début. Donc, il est tué, et là, en fait, là, justement, c'est. Il est c'est... tué par qui, par quoi? Ben là, ben, ça, il est tué par. On l'apprend plus tard, et ça, c'est un punch? Ben non, ouais. En fait, ouais, je peux le dire, là, il est tué par la milice, justement. OK. Mais là, j'irai pas plus loin, parce que sinon, ça va développer. Je vais dire des punchs, puis ça va être un peu plate, là. C'est le but de regarder la série. Ben, c'est ça. Puis là, c'est ça, c'est ses enfants, puis ses proches, et tout ça, qui doivent, en fait, là, essayer de comprendre. Est-ce qu'il savait vraiment pourquoi il y a plus d'énergie? Puis il y a toute une intrigue aussi au niveau de la famille, puis tout ça. Puis c'est vraiment, je trouve, bien fait. puisque ça tombe pas dans le... Moi, j'aime pas tout ce qui est super naturel et extraterrestre. Et science-fiction. Tout ça dans le... ouais. Comédie j'aime... musicale? Comédie musicale, oui. Oh. Genre, j'avais oublié que je t'avais dit que je t'en parlerais, mais là, non, il reste encore quelques semaines. Avant que tu démissionnes de l'émission? Mais okay. Après ça, on va en vacances de Noël. Ouais, ouais. Hein? Puis là, je trouve peut-être à une autre plage horaire, mais bon, on verra. Mais c'est ça, donc c'est bien fait dans ce sens-là, parce que c'est encore très humain, c'est les relations, justement, comment on survit dans un monde où tout d'un coup, on n'a plus d'énergie. Là. Je veux dire, moi, demain matin, mon ordinateur ne marche plus, j'ai plus d'électricité, plus de voiture. Je suis un petit peu désarmé, là. Ben, ça tombe un drôle de moment avec Sandy et tout le reste. Oui. Je sais pas, peut-être qu'en ce moment, les gens écoutent moins. Si tu disais les codes d'écoute baissent, c'est peut-être parce que ça leur fait peur, c'est pas trop ça. Peut-être, mais en même temps, on parle pas de catastrophe naturelle non plus là-dedans. Là. Okay. C'est vraiment... C'est arrivé comme ça. Oui, c'est arrivé comme ça. Je sais pas trop pourquoi. Puis, mais c'est ça, puis c'est aussi l'entraide. Comment tu survis à ça? Ça prend un fusil, là? Ben oui, là, entre autres, là. Mais tu sais, c'est aussi, est-ce que la différence entre la ville, la campagne, c'est quoi? Puis tout ça, puis de voir aussi le monde en ruine, là, tu sais, s'il n'y a plus d'électricité au bout de 15 ans, le monde risque de plus ressembler à ce qu'il ressemble aujourd'hui. C'est un peu tout ça qui nous montre dans la série, puis justement, c'est fun! C'est le fun, en fait, tu peux te rendre compte qu'on est vraiment rendu dépendant. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, en tout cas, ce que ça a comme effet, c'est de me faire rendre compte que si on n'a plus d'énergie du jour au lendemain, je sais pas comment je fais, là. Plante des carottes, parce que... Oui, c'est ça, on n'est pas habitué, là. C'est pas tout le monde, là, qui a un jardin, puis tout ça. Puis moi, la première, puis OK, comment je survis là-dedans, puis chasser, puis tout me réhabituer à un nouveau monde, donc je suis... Julie, la chasseuse. Non, ça, là... J'aimerais mieux survivre à une attaque de zombies que d'avoir à la chasser. Je sais pas ça. Ouais. Ça a l'air plus fun. Revolution, ça a l'air vraiment d'une série à gros budget quand tu la regardes. En tout cas, avec les extraits que j'ai vus, ça a l'air d'une affaire assez bien produite. Non, c'est ça. C'est très bien produit. En fait, ça a été créé par Eric Kripke. En tout cas, je suis pas capable de trop de prononcer son nom de famille. Mais c'est celui aussi qui a réalisé la série Supernatural. Oui. Qui est aussi très populaire, mais que je ne suis pas, fait que je peux pas vous en parler. Non, mais ça, c'est bon, ça aussi. Ouais, ça, c'est les... Les frères qui... Non? Ouais, c'est des frères, mais c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, mais bref, Revolution, ça a l'air très bon, ça a l'air d'une série qui s'annonce comme étant culte dans le futur. Tu sais, les gens ont tendance à dire culte de bonheur dans des séries, des fois, là, tu sais. Ça va être une série culte. Celle-là pourrait facilement l'être. Ouais. J'espère juste, justement, que ça va durer plus longtemps que ça, parce que c'est difficile de s'embarquer dans une série si tu sais pas si ça va continuer, tu sais. Mais c'est ça, surtout, tu sais, des séries à gros budget comme ça, là, parce que... Les enjeux sont très élevés. Fait qu'en tout cas, regardez ça. Donc, soit sur NBC ou sur CTV le lundi soir à 22h. Merci beaucoup, Anne-Julie Durocher. Moi, je vais écouter ça, c'est sûr. Dès le départ, là, j'ai vu l'extrait puis je me suis dit, ah, waouh, ça a l'air bon, quoi. Ouais. Bonne idée d'en parler. Comme ça. Ben ouais. On te retrouve la semaine prochaine, c'est le mercredi à 7h45. Oui, je vais sûrement parler de comédie musicale pour François-Olivier. Bon, François, il sac la main en face. Non, non, non. Je vais essayer de te trouver un bon sujet de comédie musicale. Ouais. Avant que tu me fasses aimer les comédies musicales. Je te dis pas que tu vas aimer ça, je te dis que je vais t'en parler. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est... Yeah, Est-ce que tu restes avec nous un peu? On va te parler de lutte, moi, là-bas. Cool. Pour l'instant, on va aller écouter l'info campus parce que c'est pas un petit peu, je dirais, la fin de l'heure. Et on attend Jasmine Raymond-Réville qui s'en vient avec sa chronique de la GEQTR. On aura aussi Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre. Aujourd'hui, il nous parle par la bande de Lance Armstrong. Oh, on va pédaler un matin. Ouais. On va se mettre en forme. Ouais, on va se péter ailleurs. Dépendant des gens. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 7 novembre 2012. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Blanc. Plante! C'est un peu moins impressionnant, ça. Tout signé en plante. C'est annoncé comme un lutteur. Il n'y a pas la shape, là. On reste poli. Il a l'air d'un petit doigt. Moi, je suis l'index, un petit doigt. Oui. Moi, j'ai le pouce en ce moment. Avec le... Ben non. Bon. OK. C'est ça. On a parlé de notre physique à la radio. C'est bien. Pourquoi pas? Donc, deuxième heure qui comprend Maxime Bilodeau, qui s'en vient tantôt pour nous parler de vélo et de gens qui font du vélo. Et qui... Je me dis, enfin, de la qualité, tu sais. Ouais. La première heure, écoute, surtout la fin de la première heure. Ouais. Début, t'es bon. Ouais, début excellent. T'as le 2. Jusqu'à temps qu'on vous fasse tirer les billets pour le gala de lutte, tout ça s'est bien déroulé, mais après... C'était un petit peu plus douteux. Douteux. Je suis d'accord. Que voulez-vous? Eh? Pour pas l'avoir à tous les matins. Ça fait changement, là. Ça fait changement de la qualité. Ben oui. Pourquoi pas? Un peu de pochitude une fois de temps en temps, il y a rien là. Donc, tantôt, on parlera de la GAQTR. Oui, avec Jasmine Raymond-Dreville. Oui, mais avant ça... Espérons-le. Mais peut-être. Avant ça, la descente du coude, voici Instinct Domestique. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Descente du coude et Instinct Domestique. Dans quelques minutes, Anne-Julie Durocher et Jasmine Raymond-Dreville sont toujours avec nous. Mais avant ça, on a un invité spécial, François-Olivier. Oui, par téléphone. Ben, en fait, c'est pour moi l'invité spécial. C'est virgule François-Olivier. Ouais, merci. Jean-François Laforêt de l'organisme Tolérance Zéro. Bon matin. Oui, bonjour. Bon matin, gang. Ça va bien? Oui, ça va bien. Le matin, malgré qu'on a travaillé beaucoup la nuit, là, mais je me suis levé de bonne heure un matin là, pour vous autres. Oui, c'est ça, exactement. Parce que, écoute, vous devez vous coucher tard, là. Ben écoute, on prend les appels jusqu'à 4 heures le matin, là, pour les gens qui veulent pas conduire, qui ont pris un verre. Okay. On nous appelle jusqu'à 4 heures le matin, fait que des fois, on fait des raccompagnements jusqu'à 4 heures, 4 heures 30, même 5 heures le matin, fait que Oui, ça arrive qu'à 8 heures, ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Écoute, on remercie que tu sois avec nous ce matin. J'aimerais ça, en fait, qu'on parle un peu de l'organisme Tolérance Zéro. Oui. C'est quoi, ça s'adresse à qui, pourquoi, en fait, là, rapidement, on est un organisme à but non lucratif. Okay. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là pour devenir riche. Mais par contre, on est là pour prévenir les accidents, prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. Okay. Ce qui est fun avec notre organisme, c'est qu'on est là 365 jours par année. Okay. Donc, tous les soirs de l'année, à partir de 18 heures, les gens qui ont pris un verre ou qui sont fatigués ou peu importe, ceux qui ne veulent pas conduire, nous appellent puis on peut les ramener dans leur véhicule. Okay. Donc, ça évite de conduire avec des facultés affaiblies, de peut-être causer des accidents, de perdre des permis ou toutes les mauvaises conséquences qu'il peut y avoir là. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, en fait, retourner chez eux la tête légère. Là. Je sais pas voilà, si voilà. Ça peut être ailleurs, la tête. Mais... Ah, la tête peut être un peu partout. Hey, mais, OK, parfait. Mais comment ça fonctionne? Écoute, j'ai bu un verre, partie de Noël, exemple. Je suis un peu ça brosse. C'est déjà commencé, partie de Noël, je pense. C'est déjà ouais. commencé. Ouais, la brosse n'est pas commencée, par exemple. Mais... ben, parle pour toi. Puis, écoute, mais comment ça fonctionne? Ça me coûte, je vous appelle, c'est quoi, c'est un numéro de téléphone un peu partout en Mauricie? Ben, je vois un petit peu où tu vas en venir, mais écoute, le numéro principal pour toute la Mauricie, la grande région Shawinigan, la grande région de Trois-Rivières, puis une partie de la Rive-Sud, c'est le 819-384-6911, 384-6911. Okay. Comment ça fonctionne, c'est que tu nous appelles, on t'accompagne dans ton véhicule pour pas que tu aies à conduire. OK. Nos chauffeurs, étant donné que c'est des chauffeurs bénévoles, ils s'attendent à ce que les gens leur laissent une contribution volontaire. Il n'y a pas de montant obligatoire. Okay. On, naturellement, étant donné que nos chauffeurs prennent leur véhicule, défraient leurs dépenses d'essence et aussi les dépenses là, récurrentes à une nuit à faire du raccompagnement. Ça veut dire du café? Que les gens... Pardon? Ça veut dire du café? Oui, du café, du Red Bull, tout ce que ça prend pour rester réveillé jusqu'à 4-5 heures du matin. Là. Pas d'alcool. Non, pas d'alcool, par contre. Nous, on est obligés de rester la tête froide et non légère ou... ou dans les... ou dans les vapes. Mais non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Non. J'allais dire autre chose que vape, mais en effet, c'est beaucoup mieux vape. Mais tu vois, par contre, il y a quand même une petite condition, c'est que pour pouvoir faire appel à nos services, on doit être dans un établissement qui est partenaire, donc qui est membre, okay. ou bien avoir une carte de membre individuelle ou être dans un party qui est couvert, que l'activité soit couverte. Je te donne un exemple. Au niveau de l'UQTR, la chasse-galerie, grâce à la GE, qui est partenaire avec nous, la chasse-galerie, le 10-12, c'est des lieux qui sont couverts. Donc, les étudiants ou les gens qui viennent dans ces établissements-là peuvent nous appeler, on les raccompagne. Ça, okay. c'est un. Les parties des différents assos, quand les gens qui s'occupent de ces parties-là nous appellent et qui nous disent, bon, ben telle date, on a telle partie d'association à tel endroit, nous, on va s'assurer d'avoir une visibilité là. Et puis les participants vont pouvoir aussi prendre le service. OK. Et l'autre visibilité. Petite chose okay. qui reste... Excuse-moi, vas-y. Non, je voulais pas vous couper, désolé. Ah, OK. Ben l'autre moyen de prendre le service, c'est de prendre une carte de membre individuelle. OK. Là, à ce moment-là, en tout temps, peu importe l'endroit où tu es, tu peux nous appeler. En tant que membre individuel, on va aller te chercher. Puis ce qui est le fun, c'est que quand une association est membre, comme l'association, comme l'UQTR, le GE, c'est que là, les étudiants membres de l'AGE peuvent avoir une carte de membre à moitié prix. Ah, OK. Presque à moitié prix. Donc, au lieu de 65 $ par année, c'est 35 $. OK. Pas chance du tout. Formidable. Ben oui. Ben, vive l'AGE. C'est ce qu'on dit à tous les jours. OK. Génial. Et puis, écoute, tu disais que ça se terminait vers 4 heures du matin. Ça commence vers quelle heure, ça? Le service commence à 18 heures tous les jours. Okay. Donc, à partir de 18 heures, même si tu étais sur une terrasse, une belle journée chaude d'été, puis que ça s'est étiré un petit peu, ben dès 18 heures, tu peux nous appeler, puis on va être en mesure d'aller te reconduire en sécurité. OK, génial, génial. Et puis, est-ce que vous recherchez des bénévoles aussi? Oui, là, tu marques un point. C'est sûr ouais. que tout au long de l'année, on est en recherche active. Le plus drôle, c'est que lorsque la fondation de l'organisme, en 2003, on a fait peut-être dans la première année 3 500, 4 000 raccompagnements. Puis okay. si tu regardes en 2012, on est parti pour dépasser 10 000 raccompagnements. Donc, oui... tu vois, là, les vendredis, les samedis, on parle de 8, 9, 10 équipes qui sont sur la route. Équipe de deux? Donc, une équipe de deux personnes, c'est 20. On a 20 bénévoles sur la route là, les fins de semaine. Là. OK. OK. Et ça... Avec les temps de Noël, avant le temps de Noël qui commence, le temps des fêtes, ben, c'est encore plus la demande. Okay. Alors, je te dirais que de rejoindre l'administration là, entre midi et 18 heures le jour, au même numéro que j'ai donné, le 384-6911, on peut organiser de la formation de bénévoles. Puis aussi, Pour ce qui est populaire au niveau de QTA, c'est des associations qui veulent faire des levées de fonds chez nous. OK. Oui. Alors, ils s'organisent plusieurs étudiants, on leur donne une formation, on forme des équipes, puis à ce moment-là, les contributions qui sont ramassées pendant les raccompagnements, lors des raccompagnements, l'assaut les garde pour financer soit un bal de fin d'année, soit un voyage. Ah, soit... c'est cool, ça. Oui, on a un programme là, de levée de fonds à l'intérieur là, du raccompagnement, là. OK. Ah non, c'est très cool, ça. Et puis, en fait... une belle surprise. Oui, c'est ça, exactement. Une asso, en fait, qui organise un party peut prendre quelques bénévoles, puis, en fait, qui vont être bénévoles, en fait, pour vous, Tolérance Zéro, et aller reconduire leurs amis. Ça peut être drôle. Ben, j'ai appelé ça. Hein? Une double... De... Oh oui, il s'agit juste de trouver quelques étudiants qui n'ont pas le goût de faire le party ce soir-là. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est plus dur, mais bon. Voilà le défi. Ah ben génial. Écoute, je sais pas, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Ben écoute, encore là, je te dirais, gênez-vous pas pour nous appeler au niveau des levées de fonds, parce que oui, plus on a de chauffeurs, meilleur le service, moins les gens attendent, puis... Oui, plus la contribution est élevée. Oui, exactement. Mais c'est drôle à dire, mais il y a encore des fois des gens qui, même s'ils nous appellent des fois, s'ils ont à attendre 20, 25, 30 minutes des fois là, à la fermeture des bars, vont se risquer à prendre leur véhicule. Ouais. C'est là que les choses fâcheuses arrivent. On a entendu dernièrement là, des gens qui attendaient des fois dans leur voiture, le moteur qui tourne, tout ça. Il n'y a pas de chance à prendre. Appelez-nous, demandez-nous dans combien de temps on va être là. On va même vous donner des petits trucs des fois, laisser les clés sur le pneu ou quelque chose pour être sûr de ne pas être confronté là, aux lois en vigueur face à la conduite avec faculté affaiblie. Puis, venez l'essayer. Je dirais aux étudiants, là, vous avez un soir la semaine prochaine, là, appelez-nous, on va vous former, on va vous en faire une nuit de raccompagnement. Vous allez voir, c'est le fun. C'est agréable. Ça va être le fun. Puis oui, puis même vous, la gang de C'est fou, là, pouvez venir essayer ça, là. Ouais, écoute, je dis pas non. Je vous écoute des fois le matin, puis à vous entendre, je me dis, d'après moi, là, ils ont veillé jusqu'à 5 heures, et oui. C'est pas fun, ça, là. Je vous encourage pas bien, à vous aider, ça. Ah, monsieur Laforêt, merci beaucoup. Écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On pourrait peut-être en faire, hein? Du raccompagnement. En tout cas, on regardera ce qu'on peut faire. Pas une promesse en onde, allez-y donc voir. Oh, François. Ben non, mais c'est ça. Là. Moi, je sais pas conduire. Fait. Ah, ouais, c'est ça. J'ai pas d'auto. Mathieu a pas de permis. Écoute, ouais. J'imagine que ça prend deux personnes qui ont un permis. Oui, ça prend deux personnes qui ont un permis de conduire, puis un des deux qui amène son véhicule. À partir de là, tout va bien, puis c'est assez facile. OK. OK, bon, parfait. Parfait. Écoute, ouais, c'est ça. Écoute, si t'as pas mes nouvelles, relance-moi, puis je regarderai ce que je peux faire. Eh bien, ça va me faire plaisir. Puis, regarde, avant de vous laisser, là, je pourrais vous dire, j'ai parlé de carte de membre tantôt, là. Ouais. C'est pas grand-chose, mais je peux vous donner deux cartes de membre à faire tirer ce matin. Wouhou! Donc, je vous laisse arranger. J'ai ça à votre goût. Vous pourrez me rappeler, me donner seulement, par exemple, peut-être le nom et un numéro de téléphone des personnes qui auront gagné. OK, ou je t'enverrai ça par courriel. Ah, ça peut être ça aussi comme ça. Puis écoute, l'avantage quand t'es membre, c'est que peu importe t'es où, on va te raccompagner. Puis en plus, quand t'es à ton adresse à toi, on peut raccompagner tes invités. Fait que doublement plaisant. Wow. Génial. Ouais, j'allais déjà les traiter de super-héros chez Tolérance Zéro, mais finalement, ils sont généreux en plus. Hein? Ben, on essaie. Ah, wow. Mais j'aime bien super-héros. Moi, je le garde. C'est, ouais? Correct. Okay. C'est gratuit. Contribution volontaire. Oui, voilà. Hey, Jean-François Laforêt, merci beaucoup. Écoute, on va faire tirer les deux laissés-passer. Ben, c'est pas des laissés-passer. Deux cartes de membre, oui. Deux cartes de membre, exactement. Maintenant, donc, vous nous appelez au 819-376-5183. 819-376-5183. Merci beaucoup. Et puis, écoute, si t'as pas de nouvelles de moi, ben, relance-moi, puis j'irai donner un coup de main. C'est un défi. Hey, je me gêne pas. Merci, les gars. Merci les gars, les filles. Bye, la gang. Salut. Merci, bonne journée. Ça sonne déjà. On s'en entend de Bernard Adamus et le scotch goûte le vent parce que c'est approprié. Oh. On revient avec la chronique de la GEQTR. French kiss, la sueur pis quelque peur. Ce bas de la côte folle homme, il se demande qu'est-ce que d'être un homme. Et que c'est bête, c'est qui le maudit fou dans ma tête. Même le ciel parfois il perd son temps. puis l'amour me vexe. Autant que le temps. Sur le bord de la fenêtre, les jours se confondent. Rêveur devenu golem dans un chapelet quotidien. Une poursuite lugubre d'une prière, d'un sourire quelque part sans terre. Dehors le monde. L'astuce aujourd'hui, c'est de plus penser ailleurs. Ma belle Annie, j'ai le cœur à l'envers. Y'a la fatigue qui brûle et plus rien ne se baisse, rien qu'une chaise qui craque, puis le souvenir d'une promenade au parc. Mais à cette heure, les fleurs sentent le sang, puis l'amour me vexe. Laisse la drone ouverte, la porte du balcon, et on va faire l'amour tranquille à la maison. Tes seins tellement chauds, ton corps tellement beau. J't'aime bien le bout, puis toi couché sur le dos. On va se mettre à terre comme des animaux. On va se mettre à terre comme des calvaire. Une chance qu'il y a des parties où c'est que ça grouille pis ça boule. Les manteaux cachent des secrets, ou des belles pommettes rouges. En dedans tout le monde. Hey man, l'hiver c'est long, mais ça va faire son temps. L'hiver va nous tuer. Je Bernard à la bus! Hey, crie pas de même, toi! Le scotch goûte le vent! Calme-toi! Mais il chante de même, je peux pas allumer de même, ça se fait? Non? On va me juger, ça. On te juge, Matt! Je suis juste là pour 15 minutes à peu près, fait que ça me dérange okay. Pas trop. Bon, on se dépêche! Voici Jasmine Raymond-Dreville et la chronique de l'AGEQTR! AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça pas tard! Yo! Pro! Jasmine Raymond-Dreville, bon matin! Salut! Ça va? Salut! Mais oui, en tout cas, si je t'ai pas réveillé, C'est fait! C'est fait! Donc, Angélie de l'AGEQTR, et évidemment, à chaque semaine, on Angélie? Fait... Angélie? Excuse-moi. Tout le monde Jasmine. Me confond tout le temps, là. C'est fatiguant. C'est les cheveux de la même couleur. C'est les cheveux de la même couleur? Ouais. Ben ouais, je sais pas. Ben foncé, là. Ouais. Ben, moi, Julie est foncé. Yeah, je confonds Maxime Tanguay et Maxime Desbiens-Tremblay. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Justine Renaud et Jasmine Raymond-Réville parce que le nom commence par J et finit par Ine. Fait que, tu sais, c'est normal, j'en ai plein de mélanges comme ça. OK. On n'a pas le temps de niaiser le matin, mais quand même. Actualité et activité de la GEQTR. On y va d'habitude par ordre chronologique. Qu'est-ce qui se passe de beau? Ben là, je suis dans un ordre un peu plus funky, là, okay. Peut-être, ce matin. Là. Funky, ce matin? Ben oui. Funky de même, le mercredi du matin. Mm-hmm. En fait, il y a trois trucs dont je vais vous parler. Tout d'abord, le 21 novembre, il va y avoir une soirée artistique musicale dans le cadre de la Coupe des associations. Pour ceux qui ne savent pas, là, je vais faire un petit rappel. La Coupe des assos, en fait, c'est que chaque association départementale affronte les autres pendant des activités qui sont pas mal toutes les semaines. Oui, c'est ça. Dans le but de déclarer en fait une association plus participative et... Ben oui. Ben, en fait, celle qui a le plus de points à la fin de l'année va avoir une bourse de 500$. Puis le plaisir d'avoir une coupe. La coupe des assos. La coupe des assos. Génial. Ouais. Ça, c'est le 21? Ouais, c'est le 21 novembre. Puis dans c'est quoi, le fond... c'est de la musique? Ils font de la musique? C'est ça, dans le fond. Ici à la Chasse Galerie? Oui. Ouais? Dans le fond, c'est ça. Je peux te placer un mot? Je peux t'y aller, là? Vas-y. OK. Donc, les étudiants doivent venir performer là, une pièce, soit une composition, soit une pièce qui existe déjà avec des vrais instruments ou des instruments fabriqués. Puis c'est ça, dans le fond, il y a 3 bourses qui vont être remises pour les meilleures performances. Puis, il y a un thème à respecter, par exemple. OK, c'est quoi? C'est 12 novembre. Oh! Puisque nous sommes en novembre. Kitten! Ben oui. Kitten, on s'assure, on s'assure. Oh, ouais, tout à fait. Oui. Mais non, mais ça peut être très funky, là, comme. Ouais. C'est le mot à placer aujourd'hui. Donc, hein, je dis tout le temps ça. Est-ce que tu as le papier de toilette avec des mots différents chaque jour? Non. C'est pas ça? J'aimerais ça. Ouais, hein. C'est le fun. Tu as un roman, là, sur. Ouais, en ça cas, torche, ouais. C'est ça, ouais. Donc, ben voilà, si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire, écrivez à Pascal Goulet, qui est le VP aux affaires socioculturelles. Paco! Oui, Paco. Les gens, là, quand ils appellent et qu'ils demandent à parler à Pascal, là, je comprends pas qu'ils veulent parler. C'est bien c'est là. Ça. En plus, c'est Paco avec moustache. Ben, oui. Hey, t'intense? Oui. Réussi. T'intense? Ouais. Jaloux pas mal. Non, c'est formidable, écoute. Mais ouais. C'est ça. Donc, vous pouvez lui écrire à l'adresse vpsocio.age@commercialuqtr.ca pour des questions. Pour. Ou sinon, allez voir sur le site de l'AGE, tout simplement. En fait, les adresses sont là. Ouais, ça semble ça. Ou dans votre agenda, hein, parce que beaucoup d'étudiants ont acheté l'agenda de l'AGE, puis nos faces, puis nos adresses courriel sont dedans. Vous passez au bureau, c'est lui qui est au fond à gauche. Ouais. Non, les courriels ne sont pas dedans, mais les numéros de téléphone, oui. En tout cas, vous avez plein de moyens de nous rejoindre. Puis, c'est ça qui est ça pour la soirée artistique musicale. Voilà, parfait. Voilà. 21 novembre. Oui. Donc, ensuite, il y a le colloque multidisciplinaire qui est pas une activité dans le cadre de la Coupe des assos, mais pas du tout, en fait. Là. C'est un colloque qui dure 2 jours. C'est les 4 et 5 février. Qui s'en viennent, qui sont. En tout cas, ce qui est un lundi et un mardi. OK. Puis ça, c'est pour les étudiants de deuxième et troisième cycle, pour les étudiants chercheurs. Là, donc, souvent, c'est des gens, évidemment, qui sont à la maîtrise puis qui font de la recherche. Donc, ça, dans le fond, c'est comme 2 journées où est-ce que toutes les personnes qui sont retenues vont avoir 30 minutes en tout pour présenter un projet de recherche. En fait, il y a 20 minutes de présentation puis 10 minutes de questions. Puis c'est ça, dans le fond. Je suis allée l'année passée, je suis allée à la Cité, puis c'est vraiment, vraiment le fun. C'est à l'Atrium Paul-Émile Bordua, là. Dans le nouveau CEU, là. Ouais, je sais pas trop ce que CEU. Moi, ça a changé de nom, là. Ouais. Il y a eu un don. Comité d'études universitaires. Exactement. Bon, en tout cas, c'était à l'Atrium, la grande salle avec des vitres. Et des tables et des chaises. Des vitres sur les murs. Des vitres sur les murs. Il y a des murs. Des murs en vitre. Donc, voilà. Fait que, en tout cas, c'est super, super intéressant. Là, étudiants de deuxième et troisième cycle, toutes les personnes dont la candidature va être retenue vont avoir une bourse de 200$ pour venir présenter leur projet. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. En fait, la date maximale pour poser votre candidature, c'est le 19 novembre. Puis, c'est par courriel à l'adresse cyclesup.age@commercialuqtr.ca. Je vais l'appeler parce que c'est peut-être pas facile. Ouais. Donc, cyclesup.age@commercialuqtr.ca. Les critères selon lesquels les demandes de présentation vont être évaluées, c'est l'intérêt du sujet de recherche pour la communauté étudiante, puisque c'est des étudiants souvent qui vont assister à ça, puis faut que ça les intéresse quand même un minimum. La capacité à vulgariser ses recherches, parce qu'en 20 minutes, c'est pas évident de... Non, faut que tu fasses ce cours. Faut faire ce cours en 20 minutes, là. Puis la variété dans les domaines de recherche, donc s'il y a juste des étudiants qui viennent parler de, je sais pas... Mettons d'hydrogène. Ouais, c'est ça, faut que ce soit plus varié, tu sais, donc... En tout cas, pour dire votre candidature, vous ne perdez rien. Puis, au contraire, là, vous allez gagner peut-être la participation à une activité très le fun. Donc, voilà, 4-5 février. Puis, la date limite, c'est le 19 novembre pour soumettre votre candidature. C'est ça. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, il m'en reste une. Oh, c'est vrai, il y avait 3. Oui, encore pour les étudiants de cycle supérieur. Parce qu'on les oublie des fois. Mais ben, on les oublie. Sauf on en parle moins. On les voit moins. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est pour eux. En fait, on a un comité à l'AGE qui s'appelle la TRUX. Donc, c'est la Table ronde universitaire des cycles supérieurs. C'est un comité qui est ouvert à tous les étudiants. Puis, c'est vraiment pour discuter des problématiques puis mais de tous les sujets, en fait, là, qui sont plus spécifiques aux étudiants des cycles supérieurs. Donc, tu sais, dans les activités que, justement, les problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur programme d'études ou quelque chose comme ça. La truc, ça, pour mandat de s'assurer de la représentation des étudiants de cycle supérieur, parce que, comme je l'ai dit, on les voit moins, fait que, mais ils sont là quand même, tu sais. De s'assurer de la participation de ces étudiants-là à la vie associative et étudiante pour pas qu'ils soient juste dans leur laboratoire puis ouais. qu'ils fassent de la recherche. Parce que souvent, c'est ça, ils vont soit travailler à la maison vu qu'ils ont pas de. Ils ont moins de cours, ou bien, tu sais, ils vont être dans leur laboratoire puis on les voit peut-être moins. Donc, en tout cas, venez discuter dans ce comité-là qui est présidé par la vice-présidente aux affaires académiques des cycles supérieurs nouvellement élue, donc Raphaëlle Landry. Puis, c'est ça, en fait, si vous êtes intéressé, vous pouvez lui écrire à l'adresse que j'ai mentionnée tantôt, cyclesup.age@commercial.uqtr.ca. Sinon, vous pouvez passer la voir au 2218 Albert-Tessier, qui est le local avec un grillage. Là, devant la cafétéria. Devant la bibliothèque, oui, devant la cafétéria. Petit doigt. Petit doigt, pas le petit doigt. On dit la même chose. On chatouille. Oh. Donc, c'est ça. Tous les étudiants qui veulent venir participer, qui sont au cycle supérieur, là, peuvent venir. Bienvenue. Ben oui. Voilà. Ils sont les bienvenus, c'est sûr. Cool. C'est quand l'affaire de groupe aérien? Est-ce que tu vas nous en parler la semaine prochaine? C'est quand l'affaire de Airband? Je vais vous revenir avec ça. Ah, j'ai hâte, ça. Je vais vous revenir avec ça la semaine prochaine parce que j'ai pas l'information ce matin. Mathieu Roy. C'est ça. Organise ça. C'est comme son affaire de tir au poignet. Ouais, tir au poignet, très drôle aussi. Ouais. Il y a des bonnes idées. Ouais. Vraiment, mais le festival national de groupe aérien, c'est génial. C'est vraiment cool. Ouais. Je vais en parler la semaine prochaine. Merci, Jasmine Raymond-Drainville, de nous amener un petit peu de sérieux et d'informations pertinentes dans cette émission-là. Ben, ça fait plaisir. C'est le fun. Puis, il fallait que je vous dise. À partir d'aujourd'hui, donc pas mal tout ce que je vais dire le mercredi matin, ça va se retrouver sur notre page Facebook. Bonne idée. Dans un style AGE en bref. Donc, ça va être sur le site puis sur la page Facebook de l'AGE. Formidable. Parfait. Est-ce que tu veux qu'on appelle ça AGE en bref? Ben oui, ça va s'appeler. Good. Ah, ben oui, bonne idée. Ouais, non, mais ça, on pourrait faire une genre de cohérence. Ben c'est ça. AGE en bref, parfait. Puis si tu veux, sur le Facebook, là, écris la chanson qu'il y a en arrière. AGE, QTR, AGE, c'est ça? Ouais, AGE, QTR. AGE, QTR. Non? Ouais. Okay. Merci Jasmine. Mais de rien. Merci. À la semaine prochaine, c'est mercredi à 8h. Au revoir. Au revoir. Dans quelques minutes, Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre. Mais avant ça, on se prend une petite pause, François. Bien sûr. On va aller courir faire le tour du pavillon, ça prend 3 heures. On se met en forme. On va vraiment faire le tour partout, le tour. C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Bétu, notre plus récente addition, sera là pour parler ciné et télé. Et François Landry commentera l'actualité politique comme lui seul peut le faire. Dans le Wokracie 101, c'est demain matin dès 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. 8h35 minutes à Assemblage requis. François-Olivier Marchand est toujours là. Mathieu Plante aussi. Ouais. Les autres nous ont tous délaissés. Moi? Les filles, plus de filles. C'est le festival de la saucisse. Ils sont partis. Ouais. Comment? Trop de testostérone. Trop de testostérone. Ah, oh, vous l'entendez? Ouais. Non, on a un autre chroniqueur. Encore plus de testostérone? Oh non, oui, tout à fait. Un certain Maxime Bilodeau. Voici d'une foulée à l'autre. Bon matin, Maxime Bilodeau. Bon matin, Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien. Toi, François? Ça va bien? Yes, ouais, yes, yes. Puis moi là-dedans, puis moi là-dedans. Ça va, Mathieu? T'as pas de sentiments. Non, je suis cœur. Oh, bon. Non, en fait, on parle de choses qui... on parle de vélo. Moi, oui. C'est souvent mes pantalons qui pognent dans le rein. C'est que j'en fais pas. C'est pour ça que j'en fais pas. On jasera pas. T'as tellement de bonnes raisons. Ouais, mais j'ai des excuses. Je suis sûr que t'es prêt à passer ton papier. Bon, vélo. Non, c'est ça. Je suis sûr que c'est des vraies raisons, moi. En fait, oui. Donc, non, parle de Lance Armstrong, mais parle la bande parce qu'il y a un livre que t'as lu cette semaine. Oui, et voilà un livre que j'ai commencé il y a quelques semaines déjà. Ça s'appelle The Secret Race par Tyler Hamilton et Daniel Coyle, publié cette année-ci, septembre 2012. Ça vient de sortir, ouais? Ouais, ça vient juste de sortir. Ça a fait un gros remue-ménage dans les médias quand c'est sorti. C'est un livre de 287 pages et publié chez Bantam Books. Ce matin, comme tu as dit, je vais vous parler de Lance Armstrong par la bande, parce que ce qu'il faut comprendre de ce livre-là, c'est été écrit par justement un des anciens coéquipiers d'Armstrong dans le temps qu'il courait chez avec son équipe qui a gagné les 7 Tours de France, qui s'appelait US Boasters. Je pense qu'il n'a pas gagné, par contre, finalement. Aujourd'hui, le révisionnisme historique, mais... Ouais. Ils ont modifié les photos pour... Le classement officiel n'est plus ça, sauf que, veux, veux pas, on l'a tous vu le podium, sur les Champs-Élysées, qu'il avait gagné. On a tout entendu parler de lui. Et on a tout entendu parler, même plus que pas assez. Il marche sur la lune, je pense, aussi, non? Non, c'est son relatif. Son frère. Son frère, voilà. Donc, petite présentation des auteurs, dans le fond. Hamilton, ce qu'il faut savoir de lui, c'est que c'est un ex-professionnel qui a couru de 1995 à 2008. Il y a eu une pause dans sa carrière de 2004 à 2006 parce qu'il a justement été pris pour dopage. Il a vraiment été pris pour dopage. Et en 2008, sa carrière a fini quand il a été une deuxième fois pris pour dopage. Okay. C'est après deux fois la deuxième fois, c'était un peu n'importe quoi, mais la première fois, c'était très, très, très, très inattendu comme résultat, dans le fond. Ouais. Donc, il a couru pour 4 équipes. Il a couru, entre autres, pour l'équipe de tantôt de Lance Armstrong, la US Postal. Également pour l'équipe de CSC, Phonak, Rock Racing également. Toutes des équipes professionnelles qui ont joué en Europe. C'est un coureur de très, très haut calibre. Il a fait plusieurs places d'honneur dans sa carrière. Participé à plusieurs grands tours. Alors, les grands tours, vous les connaissez. Le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne. Ce sont des courses à étapes de plusieurs semaines qui sont très, très dures. Le Tour de Lille? Tour de Lille. Ça, tour de taille, tant qu'à ça. Ça, c'est une autre chose, ça. Mais depuis quoi? 2-3 ans, je pense qu'il y a une course à Québec et à Montréal. Oui, et voilà que c'est justement les professionnels qui débarquent à Québec et à Montréal. C'est quand même relevé. Oui, c'est près de 200 bornes, 200 km. Et puis, sur des parcours très difficiles, c'est une course très sélecte. Puis, sincèrement, pour y être allé une couple de fois, les voir, c'est très impressionnant. Ouais. Voilà. C'est l'année prochaine, si vous avez l'occasion de voir ça, ça vaut la peine. Je vous le conseille fortement. Okay. C'est une belle activité à faire, surtout dans le Vieux-Québec. C'est une belle façon de faire le tourisme dans le Vieux-Québec, mais de se promener avec la course, ça donne une méchante ambiance. C'est vrai. C'est un must à faire, tant qu'à moi. Donc, c'est ça, il a participé à plusieurs grands tours. Il a également été champion national sur route, notre monsieur Hamilton. C'est un Américain, donc aux États-Unis. Et puis, il a été senti pendant longtemps pour être le dauphin de Lance Armstrong. Il était de talent égal à Lance Armstrong, dans un certain sens. Il était de calibre égal. Il a été justement longtemps très pressenti, malheureusement, parce qu'il a été pris pour dopage. Lui, il s'est fait pogner. C'est expliqué dans le livre, je ne rentrerai pas trop dans les détails, serait justement dû à Armstrong et à ses magouilles. Parce qu'il faut comprendre, ce qu'on apprend dans ce livre-là, c'est que Armstrong... au-delà du survivant du cancer, c'est un être très très malicieux, on va dire ça de même. Très vindicatif, très très très très acharné, très très rancunier. Evil. C'est un athlète très orgueilleux. T'sais, c'est un athlète, mais un athlète poussé à l'extrême. Il voulait gagner. C'était un homme très orgueilleux et il pouvait être violent, c'est tout un personnage. J'ai peur de ça quand ça regarde. Donc, il est décrit comme ça dans ce livre-là. C'est sûr que Relations publiques le voulait, quand on le voit ou quand on l'a vu beaucoup à la télévision, il est toujours là du... Souriant. Ouais, voilà. Accessible, et voilà, pense. Et voilà, un chic type, quoi. Il projette une belle image, effectivement. Et voilà. Mais c'est un vrai, vrai orgueilleux. L'autre auteur, c'est un journaliste, parce que c'est pas Hamilton comme tel. Hamilton, lui, a fait les témoignages, donc c'est 280 pages de témoignages, mais c'est vraiment Daniel Coyle, qui est un journaliste au New York Times, qui lui a fait l'écriture. C'est foutument bien écrit. Malheureusement, il n'y a rien qu'en anglais pour l'instant, mais c'est foutument bien écrit. Moi, j'ai eu un gros, gros plaisir à lire ça. Okay. Donc, je fais une petite mise en contexte. Octobre 2012, cette année, donc, la USADA, qui est un peu l'agence américaine anti-dopage, a rendu public les témoignages de 11 coéquipiers de Armstrong, justement dans son équipe, quand il a gagné les 7 Tours de France, la US Postal et également la Discovery Channel la dernière année. Mais ils ont 11 coéquipiers qui ont témoigné contre Armstrong, ce qu'on appelait un affidavit, qui est un témoignage sous serment, dans le fond, qui ont, ils ont témoigné et qui ils ont justement relaté comment le dopage fonctionnait dans l'équipe, okay. À quel point Armstrong était au-dessus de tout ça, comment ils ont outrepassé les tests, comment c'était croche, dans le fond. Mais comment tu veux passer ou outrepasser les tests? C'est ce qu'on apprend également dans ces livres-là. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est très facile. C'était très facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les drogues qui étaient utilisées à cette époque-là, 1998-99, le début des années 2000, c'était beaucoup l'EPO, c'était beaucoup la testostérone également. L'EPO, on a entendu beaucoup parler oui, ici au Québec avec Geneviève Janson. Geneviève Janson. L'érythropoïétine, c'est une dope qui fait que quand elle est injectée, ça stimule la production de globules rouges, d'oxygène, okay. Donc de transporteurs d'oxygène. On est capable de transporter plus d'oxygène au muscle. Plus loin, c'est et ça. Voilà, de pousser la machine plus loin. Okay. C'est une des premières drogues qui vraiment fait une différence énorme sans vraiment effets secondaires au niveau de la performance. C'est comme se rajouter du sel aussi, là. Il y en a qui font ça. Oui, transfusion sanguine, c'est un peu le même principe. Ça, c'est indétectable. Et encore à ce jour, c'est très indétectable. C'est ton sel. La seule façon, moi, si on s'injecte le sang de quelqu'un d'autre, ce qui est complètement stupide. Non, faites pas ça. C'est comment t'insérer. C'est quoi, tu fais faire des prélèvements une fois de temps en temps? Un mois. Tu fais des prélèvements en dehors des périodes de compétition quand ton taux de PO est très très haut dans le sang. Ben, ton taux d'hématocrite. Hématocrite, petite parenthèse, c'est ton pourcentage d'éléments figurés versus liquide. Donc, c'est ton pourcentage de globules rouges. Tu fais faire des prélèvements justement quand ton taux est très élevé pour te faire réinjecter plus tard quand ton taux est plus bas en compétition. Donc, c'est. Ou encore à ce jour, c'est indétectable, à moins de faire ce qu'on appelle un suivi du passeport sanguin, dans le fond. Donc, les enfants, c'est la solution pour vous. Non, mais puis, tu sais, écoute, il faut que tu aies une équipe, là. Tu mets pas ton sel dans le frigidaire chez vous, puis en attendant, j'étais une petite compétition. C'est encore drôle. Je parlais tantôt que c'était vraiment mal organisé, que c'était fait un peu n'importe comment. Je le ferais pas, moi, c'était très facile d'être détecté. C'est qu'on s'imagine que dans ces équipes-là, le dopage, c'est super bien planifié, que s'il y a dopage, c'est avec des docteur super compétent, avec une structure super compétente, c'est loin d'être le cas. C'est les coureurs qui doivent s'approvisionner en dope. Ils engagent, oui, des docteurs, sauf que c'est des docteurs qui, la plupart du temps, je donne un exemple, qui est raconté dans ce livre-là, de docteur Fuentes, avec justement qui Hamilton a fait affaire. C'est un gynécologue qui s'est recyclé dans tout ce qui est le sang et affaire de même, et qui a été pris dans un gros scandale au milieu des années 2000. Et puis, j'imagine, si t'es dans ce milieu-là, et écoute, tu dois être capable d'avoir des noms d'un médecin. T'as beaucoup de contacts, mais ça reste que c'est fait très, très de façon amateur. Ils font ça caché dans des chambres d'hôtel. Ils racontent dans ce livre-là des transfusions sanguines justement qui se faisaient faire, qu'ils arrivent dans l'hôtel, ça dure 15 minutes, ils pluguent la poche de sang après le clou d'un cadre, ils enlèvent le cadre, ils mettent une poche ça, puis après ça ils font la transfusion right now. C'est vraiment, lis ça puis c'est peu croyable. C'est pour ça que ce livre-là est très très très très révélateur, dans le sens que oui, c'est un témoignage, donc à quelque part peut-être que certains éléments qui sont un peu changé, un peu... Parce que, dans le fond, les journalistes parlent à quelqu'un qui a parlé à quelqu'un d'autre. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une démarche journalistique derrière ça, où les faits ont été contre-vérifiés. Donc, ce livre-là, même s'il y a peut-être certains éléments qui ne sont pas tout à fait vrais, je vous dirais que 95% du contenu est fondé. Lui-même a témoigné, comme je l'ai dit, dans les 11 coureurs qui ont témoigné contre Armstrong de cette année, puis qui a mené justement à la suspension d'Armstrong et à la perte de ses titres de Tour de France. Il a fait partie des gens qui ont témoigné, puis c'est probablement tout son témoignage qui est conscrit dans qui est mis dans ce livre-là, dans le fond, qui est couché sur ce livre-là. C'est une lecture qui fait un peu mal au cœur, à quelque part. Okay. C'est passionnant. Ça se lit comme un thriller, mais c'est justement. C'est la vraie vie, puis ça fait. Quand on est dans le sport, puis qu'on aime le sport, on a un peu mal au cœur à savoir ça. Mm-hmm. Sauf que ça reste que. Ce fut la réalité, c'est probablement encore la réalité dans le cyclisme, ça j'en suis convaincu. J'imagine. Et lui, en fait, lui, il l'a fait pour lui, mais c'était au vu et au su de ses coéquipiers? C'était jamais officiellement dit dans la structure de l'équipe, à part entre vraiment des bons copains, c'était systématisé. Et à une certaine époque, tout le monde faisait ça dans le peloton. Au moins, tout le monde était égal, donc, tu sais. C'est une autre chose qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a le mythe de dire tout le monde prenait les mêmes dopes, donc tout le monde avait les mêmes avantages, donc c'était le field, si on veut, le peloton était nivelé, donc tout le monde avait les mêmes chances. C'est un peu faux pour la simple et bonne raison qu'on apprend dans ce livre-là, c'est très bien expliqué, que comment dire, l'effet des dopes est variable d'un individu à l'autre. Okay. Donc, je vous parlais de l'hématocrite tantôt, qui est le taux d'éléments figurés et tout. Certaines personnes vont avoir un taux d'hématocrite naturellement élevé, parce que d'autres personnes vont avoir un taux d'hématocrite naturellement bas. L'UCI, qui est l'Union cycliste internationale, qui, elle, qui chapeaute un peu, qui a chapeauté longtemps par les règles d'antidopage et qui, je l'espère, après ce scandale-là puis tout ce qui a été révélé, va donner la balle à quelqu'un d'autre puis que ce soit fait de façon indépendante. C'est un petit éditorial. Mais l'UCI avait mis la limite de ce taux d'hématocrite à 50, ce qui est 50% dans le fond. Donc, tous les coureurs savaient cela et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se rapprochaient de ce taux-là sans jamais le dépasser. Sauf que si ton taux d'hématocrite est naturellement de 48%, mettons, et que dans Hamilton, je crois que son taux naturel était quelque chose comme 40-41%, si je me souviens bien. Il était élevé, là. Ouais. Il était relativement élevé, mais il n'était pas si élevé que ça. Il y avait un 9% à aller chercher, parce que, mettons, quelqu'un d'autre qui a un 48%, que je suis un 2% à aller chercher, veut pas, celui qui prend de l'EPO, avec le 9% à aller chercher, il va aller chercher bien plus de performance. C'est un peu, c'est quoi à dire avec des chiffres de même, sauf que c'est des petites subtilités de même qui faisaient que le dopage n'était pas, ne nivelait pas les chances de tous et chacun. Armstrong, une des raisons pourquoi il a probablement qu'il était si bon que ça, qu'il a vraiment fait des performances extraordinaires à cette époque-là, c'est probablement parce qu'il y avait un taux d'hématocrite naturellement très bas, donc il pouvait s'en permettre. Beaucoup. Ça en permet beaucoup. Oui, il était talentueux. Et oui, je suis d'accord avec ça. Mais physiologiquement parlant, quand on le prend, on le compare aux autres, il était pas si extraordinaire que ça. J'ai déjà vu ces données physiologiques à Armstrong et ce n'est pas un phénomène. C'est pas une machine à tout casser. C'est pas un phénomène et okay. Voilà. OK. Mais c'est ça. Écoute, tu parlais du taux qui était en fait, c'est balancé par un... Enfin, ce taux-là, il est mesuré de simplement qu'on prend un prélèvement sanguin, okay. On met ça dans une centrifuge, enfin centrifugeuse, okay. Et on fait tourner le sang, et après ça, les éléments figurés sont séparés des éléments liquides du sang, okay. Et on est capable de mesurer à partir de là c'est quoi le taux. Ça fait du beurre à la fin. Donc, c'est quelque chose qui est très drôle. Quand je parlais des médecins tantôt, c'est que tous les médecins qui graffitaient autour des équipes professionnelles dans le cyclisme avaient tout justement leur petite centrifugeuse et faisaient les affaires très, très à la main. Donc, on peut s'imaginer un peu le portrait qui était un peu Twilight Zone, tant qu'à moi, ouais. Avec les médecins qui se prennent avec les petites centrifugeuses et qui font des prélèvements sanguins à qui mieux. C'est un peu ridicule, tant qu'à moi. Ces images-là me font beaucoup rire. On apprend aussi dans ce livre-là, petit résumé. Au début, on apprend un peu comment Hamilton a été élevé. C'est un gars qui vient de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. C'était un gars qui a été élevé dans les valeurs, dans les bonnes valeurs, donc l'honnêteté, etc., par ses parents. Et il était très bon dans les sports en partant. Donc ça, c'était une des raisons pourquoi il a été si bon que ça dans toute sa carrière, malgré qu'il soit dopé, c'est qu'il avait une capacité à souffrir qui était extraordinaire. Okay. C'est raconté. Après ça, on voit un peu comment qu'il a tergiversé du ski au vélo, parce que à l'origine, c'était un skieur. Ah, oh, vrai? Oui, et ensuite, une blessure, il s'est recyclé dans le vélo. Et on apprend un peu comment il est devenu professionnel. Puis c'est quelque chose qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on voit toute la démarche entre le temps où il était amateur, il est devenu professionnel. Après ça, il a été recruté dans une grande équipe, il a fait quelques courses, il était en Europe. On voit tout le processus auquel il se rend compte que finalement, s'il ne recourt pas au dopage, parce qu'à un moment donné, au début, il est très, très contre ça, il veut pas, comme tous les coureurs, mais il se rend compte que... T'as pas le choix. Si tu veux avoir la coche de plus... Et voilà. On voit tout le chemin derrière ça. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que... Puis il raconte ça dans le livre que, généralement, ça prend 1000 jours, grosso modo, pour 3 ans, grosso modo, pour qu'un néo-professionnel, quelqu'un qui est en train de devenir professionnel, se rende compte que, il y a le choix à faire. Est-ce que je me dope pour continuer, je me recycle dans autre chose et je quitte le sport. Mm-hmm. On arrive à la croisée des chemins, un ou l'autre. Mais, écoute, ça, si on part de cette prémisse-là, c'est que, en fait, ceux qui sont professionnels sont tous dopés. Dans ce sport-là, je m'étendrai pas sur les autres sports, mais c'est quand je parlais des 3 ans, c'est tout simplement pour dire qu'après trois saisons, de compétition. Première saison, c'était la saison un peu de la nouveauté, mais également de la désillusion. Deuxième saison, c'est la saison où rien ne marche. Et la troisième saison, c'est la saison où tu choisis. Ouais, il faut qu'il se passe de quoi. Parce que sinon, tu ne renouvelleras pas ton contrat l'année prochaine et tu n'auras pas de contrat, tu ne seras pas payé, tu ne pourras pas vivre de ton sport. Puis généralement, c'est des athlètes qui, des fois, sacrifient tout pour ce sport-là. Donc, je sais pas si vous... Si vous vous rendez compte, messieurs, que dans le fond, c'est ce chemin-là, oui, c'est vrai pour le cyclisme, mais c'est vrai pour tous les sports. Beaucoup de gens qui se mettent tous leurs œufs dans le même panier et qui, à un moment donné, sont probablement confrontés à un choix. Avoir le petit quelque chose de plus qui me permet de vivre de ça ou... Non, c'est sûr. C'est sûr, mais il y a des sports pour lesquels le dopage a plus ou moins d'importance. Il est possible dans tous les sports d'augmenter ses performances d'une manière ou d'une autre. C'est quand on pense au... artificiellement. Même le baseball, il y en avait eu. Ben oui, le baseball. Le baseball. C'est plus un truc de muscle. Mais si on parle, par exemple, volleyball ou des trucs plus olympiques... Il y a moyen beaucoup. On peut prendre des stimulants. On peut prendre, bien des choses pour augmenter ses performances. C'est un autre débat. On pourrait faire toute la nomenclature de toutes les dopes et voir c'est quoi leur effet. Mais c'est en bout de ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les sports, il est possible artificiellement d'augmenter ses performances. Puis, on apprend également, justement, en parlant des drogues, on apprend que, je disais tantôt que c'était l'EPO, les transfusions, les stéroïdes qui étaient beaucoup utilisés à cette époque-là. Avant, justement, c'était les amphétamines, les corticoïdes qui étaient, justement, avaient plus ou moins d'effets, puis il y avait des effets secondaires. Mais à partir du moment où l'EPO est rentré dans les pelotons, c'est là qu'on a vu que le dopage est devenu vraiment une problématique un peu plus majeure parce que ça faisait une réelle, énorme différence au niveau des performances comme je vous ai raconté tantôt. D'ailleurs, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que tous les dopages, puis toutes les, que ce soit les stéroïdes, que ce soit l'EPO, ils ont tous des petits noms. Donc, ça rajoute un peu au côté, un peu récit de la chose. C'est que c'est pas EPO, EPO, EPO tout le temps. À un moment donné, il l'appelle Edgar pour Edgar Allan Poe. Donc, c'est comme des petits noms de même. À place de dire les stéroïdes, c'est les red eggs. Donc, les œufs rouges. Tu sais, c'est des petits noms comme ça qui font que justement que le récit est enrichi et est bien plaisant à lire. On voit également comment justement les contrôles, les instances antidopage ont été longtemps laxistes, en retard. C'était facile de contourner les tests. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de test pour l'EPO. Les transfusions sanguines, comme on disait tantôt, c'est indétectable. Les stéroïdes, suffit simplement d'en prendre une légère dose pour ne pas faire déclencher un test positif. Plein de petits trucs de même qui faisaient que tu te rends compte que, dans le fond, il y avait plein de façons de contourner ça. Et puis que finalement, quand on disait que les contrôles sont juste le nom anglais qui me vient en tête, random, aléatoire, on se rend compte que finalement, il y avait beaucoup de moyens de contourner ça parce que les directeurs d'équipe étaient de mèche avec les coureurs puis avertissaient les coureurs quand il y avait des tests. Attention. Donc, pendant longtemps, et voilà, fais attention, tu vas avoir un test telle date, donc arrange-toi pour pas prendre de... Mais pourquoi c'est pas tout le monde? Ça devient trop, c'est trop laborieux comme travail. J'imagine, ça coûte cher. Ouais, et à un moment donné, j'imagine que c'est ça aussi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les équipes aussi, c'était tout le temps les meilleurs, ceux-là qui avaient des chances de faire des podiums qui profitaient des meilleurs dopes. Ceux qui étaient plus les servants, les domestiques, les hommes à tout faire, les porteurs d'eau, eux profitaient des moins bonnes dopes ou en profitaient pas pendant. Comme tout le reste de l'équipe de Lance Armstrong. Et voilà. Lance Armstrong profitait du service de luxe 3 étoiles. C'est ça, j'allais dire, le forfait de base et le forfait de luxe. C'est quoi à dire, mais c'est ça, là. Mais tu sais, quand tu gagnes, il me semble, t'as pas le choix. Moi, dans ma tête, bref, ça venait avec, tu sais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est en bout de ligne, tout ce livre-là, c'est qu'on comprend que ça fait partie du métier. Quand il décide de... Hamilton, dans son récit, quand il décide de se doper, c'est pas parce que... Parce qu'il veut absolument. C'est juste parce que ça fait partie du métier. Ça fait partie de la game. Tout le monde le fait. Et si je le fais pas, ben je ferai jamais de carrière là-dedans. Mm. C'est ça que je veux faire. Puis à un moment donné, quand il dit « je ne me dope pas », il dit « j'ai pas l'impression de mentir. J'ai juste l'impression de... » Je suis au même niveau que tout le monde. Et voilà. C'est plate à dire. Ouais, mais... c'est plate à dire. Mais rendu là, écoute, tu mets ça à tout le monde, me semble. Tu l'imposes. Y en a qui disent, face à toutes les problématiques de dopage, pourquoi ne pas le légaliser, mais le baliser? Pour que tout le monde ait le même temps. Je suis pas sûr si ça serait une bonne chose, par exemple. Ceux qui sont naturellement trop bas, c'est plate pour eux autres parce qu'ils vont perdre si on pas... Voilà, c'est qu'il y a plein de subtilités puis de dilemmes moraux derrière ça qui font que est-ce que c'est vraiment envisageable comme chose. Pis sinon, écoute, tu vas légaliser pour un autre sport. Et voilà. Tu sais, c'est où que tu mets la limite. En fait, en bout de ligne, où ce que je veux qu'on retienne, parce que ce que j'ai retenu surtout de ce livre-là, c'est que c'est un pattern classique qui se retrouve chez tous et chacun. Comme je l'ai dit, c'est pas juste au propre au vélo. Dans tous les sports, ça peut arriver. Se continuer ou renoncer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais, l'antidopage, c'est quoi la logique derrière ça? L'antidopage, le mouvement contre le dopage, c'est que on doit faire un sport pour être en santé. On doit faire un sport pour la saine émulation et tout et tout. Mais entre vous et moi, le sport, c'est pas la santé. C'est un mythe de dire ça. Le sport à ce niveau-là, c'est pas la santé. Mais c'est ça qui est plate. Et voilà, c'est ça qui est plate. Donc, où mettre la limite? Moi les bien-pensants qui disent on ne doit pas se doper parce que c'est mauvais pour la santé puis c'est une mauvaise image pour ça, c'est quoi ton rapport? Mettons, là, je vous donne un exemple, OK? Un exemple, on sort du domaine du sport. Le médecin qui est qui a une garde de 24 heures de long et qui est sur la caféine bien raide pour toffer sa garde, caféine, c'est quoi? C'est pas naturel, c'est un dopage naturel. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre société, on est encouragé pour recourir à plein de petits moyens pour repousser ces choses-là, pour un peu se doper, un comportement dopant. Les étudiants. Les étudiants, c'est un excellent exemple. Encore là, la caféine, mais encore là, on entend des fois dans les facultés de médecine, les médecins qui sont, les apprentis médecins qui sont sur le Ritalin pour faire leur année. C'est complètement pas de bon sens. Donc moi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu légaliserais ça? Comme professionnel de la santé, je peux pas dire que moi, on légalise ça puis on permet ça et tout et tout. Ça, c'est contre mes valeurs en tant que professionnel de la santé. Comme observateur de la scène sportive et de l'entraînement comme tel, je vous dirais, il faut se poser la question à savoir c'est où qu'on met la foutue limite. Mm. C'est où qu'on met le foutu point. Puis, comment qu'on joue avec tout ça, qu'on joue avec ces règles-là. Arrêtons de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ayons un peu de nuance et de subtilité dans ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est sûr. Mais mettre un barème pour ça, ça devient très difficile. Ça devient très dur. Tandis que si tu, en fait, c'est un peu la politique de on ferme les yeux. Si on l'interdit, fret net sec, on n'a pas besoin de s'embarquer dans ce débat là. Non, c'est ça exactement. C'est ça qui est un peu embêtant avec tout ça, si on peut dire. Donc Hamilton finit son livre, dans le fond, avec une phrase qui est, tant qu'à moi, très, très bonne. Je vais vous la dire dans un petit instant. Il invite tous ses coéquipiers à l'époque qui couraient dans les pelotons, tous ses anciens compétiteurs. De sortir au grand jour et de parler et de d'un peu, parce que le cyclisme, entre vous et moi, ça, c'est complètement ridicule en ce moment. Là. Ça a une réputation de sport de dopé. Ça a. C'est ça que ça fait. Là. C'est un peu ça. Sauf qu'on pourrait prendre, on pourrait prendre n'importe quel sport, on pourrait faire le même constat. Mais ce que Hamilton dit à la fin de sa dernière phrase, c'est « The truth really will set you free ». C'est dans le fond, la vérité va vous faire le plus grand bien à dire, c'est que en bout de ligne, la vérité ressort tout le temps. Peu importe ce qu'on va faire, la vérité ressort. Dire avant qu'on vous trouve. Et voilà. Puis c'est vrai dans le sport, comme c'est vrai dans la vie de tous les jours, la vérité ressort tout le temps. Faites les choses, comment dire, soyez honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, si vous allez au-delà de vos limites, et que vous avez besoin pour aller au-delà de ces limites-là de recourir à des moyens pas trop légaux, pas trop clean ou des moyens artificiels pour outrepasser ça, c'est qu'il y a un problème. Posez-vous des questions à place de la course effrénée vers l'excellence, peut-être se satisfaire de moins et être bien avec ce qu'on fait dans le fond. C'est un peu le message derrière ça. Tout à fait. Il va falloir trouver une autre expression que sortir de la garde-robe pour ça. Ça pourrait être quoi, sortir de la... sortir de la chambre d'hôtel? Oui, voilà. Sortir de la chambre d'hôtel. Et voilà. Avec un cadre et un coup. Et pas de transfusion. T'as un bracelet Livestrong? Oui, ça c'est... J'ai décidé de le garder. Oui, je me suis posé la question quand Armstrong a été pris et tout. Est-ce que c'est ridicule un peu? Les gens veulent avoir leur argent quand ils ont fait des dons. Hey, ton don, il va vers le cancer. J'avais pas entendu ça. C'est relatif, c'est drôle pareil. Mais personnellement, moi, je pense que le professionnel et le survivant de cancer, c'est deux personnalités complètement distinctes, deux personnages complètement distincts. Et entre vous et moi, je le condamne pas Armstrong pour ce qu'il a fait. Non. Oui, c'est pas cool. Oui, ça pourrait être condamnable, sauf que entre vous et moi, quand on connaît comment le système est érigé pour favoriser tout ça, là, c'est quoi les enjeux, c'est quoi, parce qu'il y a tout le temps une question d'argent derrière tout ça. Oui, oh, ça reste la clé de... Ça reste la clé. Moi, personnellement, il n'y a pas un sportif professionnel ou Jeux olympiques ou whatever que je peux pas avoir un petit doute à quelque part. Est-ce qu'il est réellement clean derrière tout ça? Excepté les lutteurs. Mais on en parle. WWF, c'est autre chose. Bon. Maxime Bilodeau. Hey, Maxime Bilodeau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toujours très intéressant. C'était une très bonne lecture. Donc, The Secret Race par Tyler Hamilton. Je vous conseille fortement, messieurs. Voilà. Et on se retrouve mercredi prochain, 8h30, pour Sans faute. On va écouter très, très rapidement. On revient après ça avec la conclusion de l'émission. Mais voici la pièce de Plastine. Zazie fait de la bicyclette. Juste pour le fun. Deux petites minutes. On revient. C'est cute. En 1966, mini jupé pop music, Twiggy flâne à Carnaby. Et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Bicyclette la nuit. Zazie fait de la bicyclette. l'amour est psychédélique. Les dandys font au marquis et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, oh bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. En 1966, les Anglais se filent au pique-nique. Les sitars sont électriques et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, oh bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Zazie fait de la bicyclette de plasticine à Assemblage Requis. C'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. On va remercier les gens qui ont participé à l'émission. Angélie Durocher, Jasmine Raymond Drainville, Maxime Bilodeau et notre invité spécial qui était M. Laforêt. Oui, Jean-François Laforêt. De tolérance zéro. Exactement. On se retrouve demain et demain à l'émission, on aura la présence de... François Landry. Oui, François Landry. C'est avec Collègue politique. Oui. Donc, reste un. Je sais pas si on va revenir sur les élections américaines. Hein. Je sais pas, c'est pas tellement son dedans, mais peut-être qu'on verra. Aussi, Maxime Bétuy, notre plus récent chroniqueur, qui sera là pour parler de cinéma et de télévision. Restez sur nos ondes à 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier, puis Connaître ensemble pour savoir sur la périnatalité. Ensuite, des émissions que vous avez ratées, Le Voyage insolite à 14h, Album classique à 15h, L'examen final à 16h. Ensuite, on est de retour en direct avec le Big Max Show et son émission de rap. Et puis plus tard, en soirée, électro-tactile, Psy-TR et Transformers, c'est complètement électro mur à mur ce soir. On va se quitter avec la chronique de Régis Ollery. C'est la cinquième partie de la série L'univers de Sadako. Cette semaine, pourquoi s'appelle-t-elle Sadako? C'est ce qu'on va apprendre. Et dorénavant, il faut aller sur le cif.ca. Régis Ollery a sa section complète de chroniques. Et on a rajouté cette semaine plusieurs chroniques qui manquaient. Donc, Quand la mort se fait originale, la véritable histoire de l'exorcisme d'Emily Rose, Monstres et curiosités médicales, ma préférée, Les fantômes du presbytère de Borley, et tout le reste de sa série, de toutes ses séries, en fait, faut dire le pluriel là-dedans, toutes ses séries, à Richelry sur cif.ca. Donc, voici l'univers de Sadako et on se retrouve demain 7h. Bye, François. Bye, bye, Mathieu. Bye, Maxime. Bye, bye.